solo ya bague ya Mercedes. Ah. Président Pacheli Yari Kilumbu. Ce qui est mon essuie, nous prenons poisson au mena. Loco le ton d'abord, mais bon, son papé ni wade. Stop. force. Ah! Mieux vaut avoir une bonne réputation que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe chapitre 22, premier verset.